Al-shifa biyadillahi azza wa jal. Lakin, pour vous montrer, quand une personne elle aime une chose, elle fait des efforts. Ou quand une personne elle veut une chose, elle fait des efforts. Et tu les trouves, ha'oula, kathir minhum, wa kathir minhum, wallahi alhamdi sont ala khayr, lakin kathir, mina nas, fi janib al-tawhid wa janib al-din, ils font pas d'efforts. Bel, Iblis, il a propagé une shubha, annahum, ils font des ma'asi, bel, ba'dhum, ils font du shirk. Et à la fin, il dit Allah, il est ghafour, il est rahim. Il y en a, il ne connaît pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Nahnu ayyuha al-ikhwan, nos efforts, on doit les concentrer fi hada. La tamal min at-tawhid, min ad-durus fi at-tawhid. La, c'est jamais assez. Lianna hada at-tawhid, on doit vivre ala at-tawhid, on doit mourir ala at-tawhid. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إما على ذلك فإن شاء الله له الجنة فأون دوا فيف على التوحيد ومغير على التوحيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فتوت تزفغ تافي تمغس لله عز وجل فلهذا أون كونتينو ولله الحمد أفير سيدروس c'est A'zam al-funun. Même les autres uloum, et on conseille nos frères, كذلك العناية بالعلوم, qui vont t'aider à comprendre هذا التوحيد. خاصة علم اللغة العربية. لأن كلام الله عز وجل il est بالعربية. La source de ce التوحيد pour le comprendre, c'est le Coran. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a un كلام جميل, il montre أن القرآن كله توحيد. Le Coran, c'est du tawhid. Il m'a un appel au tawhid, il m'a mis en garde contre le shirk, il m'a des récits sur l'anbiya qu'ils ont propagé le tawhid, il m'a la récompense le jannah, il m'a celui qui s'en écarté, an-nar, c'est le châtiment de celui qui délaisse le tawhid. Le Coran, kulluhu fi tawhid. Donc pour comprendre, il te faut la clé, c'est l'aura. Lakin, ces efforts qu'on fait dans la langue arabe, c'est pour comprendre le tawhid. Falihada, c'est pas min al-hikmah, c'est pas min al-tawfiq de étudier la langue arabe et délaisser le tawhid. Abadan. On conseille nos frères de rassembler les deux. Celui qui ne comprend pas l'arabe, walillahi alhamd, il y a des doros en français ou en français arabe, alhamdulillah, yastafid. Et il néglige pas janib al-lugha. Léana, tu comprendras hada tawhid avec une compréhension tayyiba et sahiha et nafi'a bi'idnillahi azza wa jal avec la langue arabe. Mais avec la langue française, on rapproche le ma'ani, walillahi alhamd, il y a du khayr. Lakin celui qui veut avancer akthar, fayastafid min kalam illahi azza wa jal. Et kalam Allah, c'est en langue arabe. Kadhalik min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est en langue arabe. Kadhalik min kalam et ahl al-ilm, c'est en langue arabe. On ne doit pas toujours se reposer sur les traductions, là. Les traductions, c'est une étape, comme on répète souvent à nos frères, pour t'aider au départ. Amma hada ad-din, celui qui veut le comprendre, talib al-ilm, s'il veut avancer, il lui faut la langue arabe. C'est une clé azim. Qala Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, qad ja'ala Allah subhanahu li kulli matloub miftahan yaftahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala li hikmatin azim. Chaque chose, si tu veux la comprendre, tu veux la posséder, tu veux l'atteindre, tu veux la faire, il te faut une clé. Pour rentrer dans une maison, il te faut la clé. قال ابن القيم رحمه الله عليه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور. La clé de الصلاة c'est الطهور, الوضوء. لأن الله لا يقبل صلاة بغير الطهور. Allah il accepte pas une salat sans l'وضوء, sans tahar, sans faire ses ablutions. لا بد, celui qui veut faire salat, il est obligé de faire l'وضوء. قال ومفتاح الحج الإحرام. La clé pour débuter le hajj, c'est l'ihram. Tu dois te mettre en état d'ihram. Qala, wa miftah al-bir al-sidq, wa miftah al-jannah al-tawhid. La clé pour al-jannah, c'est al-tawhid. Personne ne rentrera al-jannah, sauf s'il est mort à al-tawhid. Fal-mushrik la yadkhul al-jannah abadan. Qala, subhanahu wa ta'ala, wa man yushrik billah, لقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui meurt à la shirk billah, al shirk al-akbar, il rentrera fin nar. Et il rentrera jamais fil jannah. Fal miftah, c'est quoi? C'est pas une couleur de peau, c'est pas une origine. C'est pas katratul a'mal. Al miftah, c'est tawhid. Qala, rahmatullah alayhi, wa miftah al-jannah, al-tawhid, wa miftah al-ilm, husn al-su'al, wa husn al-isra. Miftah al-ilm, kadhalik, pour avancer fil ilm, poser ces questions quand on ne comprend pas, et kadhalik al-isra, écouter, patienter, marhala marhala, tout doucement, étape par étape, revenir à ahl al-ilm, c'est ça le soual. Poser tes questions, tu ne te l'as pas l'ilm comme tu veux, comme tu penses, là, à hadha al-ilm, il y a une méthodologie, il y a un parcours, il y a une façon d'étudier. Wallahi alhamd, nos savants contemporains ou ceux qui sont morts rahmatullah alayhi min a'immat as-salaf ila yawmina hadha, ils ont étudié l'ilm et ils ont atteint des hauts niveaux. Fa nahnu, si on veut avancer vers hadha al-ilm, al-miftah, la clé, c'est de revenir à haoula. Fa ils te montrent, ou les ulama conseillent kathiran de commencer par ilm al-tawhid. Et celui qui comprend pas l'arabe, kadhalik, par des cours d'arabe. Kadhalik al-inaya bil-hifd. Ou des mukhtasarat, bien sûr, Al-Qur'an al-Karim, mastata'na min hifdhi, ce qu'on peut, kadhalik ahadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et des mukhtasarat, mutun fi at-tawhid, et dans des autres matières. Hadha al-kalam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, c'est un kalam mufid, min hadi al-arwah ila bilad al-afrah. Kadhalik ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi bayyana أن هذا التوحيد سبب كل صلاح. Tout le bien que tu vois autour de toi, c'est سببه, la cause principale, c'est التوحيد. Tout le mal que tu vois autour de toi, la cause principale, c'est contredire ce التوحيد. قال رحمة الله عليه ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. C'est ça la cause du bien. التوحيد, obéir à Allah سبحانه وتعالى, obéir à son messager صلى الله عليه وسلم. قال وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chaque chose que tu vois, chaque mal que tu vois, la cause c'est ne pas suivre la voie du prophète صلى الله عليه وسلم, que ça soit في التوحيد أو في غيره. Donc نحن en tant que عباد, en tant que مسلمون, on doit donner de l'importance à ce point que beaucoup de gens ils ont négligé, خاصة à notre époque. للأسف. قال ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Celui qui médite في أحوال الناس, il verra أن tout les fitan, tous les problèmes, toutes les catastrophes qui touchent la Ummah, al-sabab, c'est mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi al-tawhid et dans d'autres choses. Fata'ammal al-an, al-fawda al-hasula fi ba'd al-buldan, ay al-khuruj ala wali al-amr, et ça a provoqué ces révolutions, des meurtres, des attentats, les prix, ils ont augmenté, l'insécurité, tout ce bala, toutes ces fitan, al-sabab, c'est مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم, الله سبحانه وتعالى ابتلاهم. Il les a éprouvés. Et il les a châtiés. Pourquoi? لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أي délaissé la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, ça fait du mal. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولي الأمر. Tant que c'est un musulman, النبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de patienter. من وجد من أميره شيئا فليصبر. Si ce gouverneur il est injuste, il te fait du mal, فاصبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالصبر. C'est ça la solution.